disais bien sûr que j'ai la fâchée. Je pensais que t'étais là pour me faucher. J'entendais des airmas, airmas, airmas, airmas. Elle voulait que ma monnaie. Tu m'as vraiment cru pour une fille facile. Si je te fais confiance, vas-tu me rendre triste. Et quand moi j'avance petit à petit, quand je te fais confiance, tu bouges ici. Ma demoiselle est charmante, elle veut que la maille. Lui et moi c'est une évidence, monsieur est dans le mal. Vu comment je suis sapé, la musique ça paye, tu me dis lundi, moi je suis seul. Et vu comment je suis sapé, la musique ça paye, tu me dis lundi, moi je suis seul. Et au bout du compte on s'est attaché. Si t'es là pour mon buzz ou pas me lâcher. J'en ai connu dizaines, centaines, milliers, mais aucune peut te devancer. J'entendais des airmas, airmas, airmas, airmas. Elle voulait que ma monnaie. J'entendais des airmas, airmas, airmas, airmas. Elle voulait que ma monnaie. Moi je te dis chapeau, chapeau. Ouais t'as écouté Léon m'a dit. J'en ai plus mes chevaux, chevaux. Ouais faut pas me prendre pour une imbécile. J'suis tombé sur la bonne et je me trompe pas. Faudra assumer si je m'en vais. T'as changé la donne, je me trompe pas. Est-ce que je veux assumer si t'es plus là? Nanana, que je commence à douter. Mais je vais t'aider pour te battre. Et bien sûr que je suis la bonne. Y'aura que ma dans ta tête. Vu comment je suis sapé, la musique ça paye, tu me dis lundi, moi je suis seul. Et vu comment je suis sapé, la musique ça paye, tu me dis lundi, moi je suis seul. Et au bout du compte on s'est